mieux en parlant. On fera un mix des deux. Ah non, je te laisse toute seule, tu le relis en entier, tranquillement, comme si tu parlais à ta fille, d'accord? Je te laisse toute celui-là seule. Tu relis tout, tranquillement, ouais. Autant de fois. Ouais, parce que tu vois, j'y arrive plus facile. Tu le relis. Est-ce que tu vois que j'y arrive plus facile? Comme si tu parlais à ta fille, hein, ça t'a fait que tu parles. J'étais pas une sainte, comme pour la première fois, je suis tombée enceinte. L'amour et la colère, difficile de faire un choix. J'ai décidé de prendre l'air. T'as fait une nuit entière. Je me souviens, c'était le jour de ton anniversaire. T'as fait tes premières dents pour mordre la vie sans détour. Jamais au bon moment. Protéger votre avenir.